Toujours en Corée, des affiches illustrées viennent de paraître pour encourager les militaires et civils à appliquer les tâches présentées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de Nouvel An. Portant le mot d'ordre, appliquons à fond les tâches militantes précisées dans le message de Nouvel An, une affiche montre les travailleurs de toutes les couches engagés de nouveau dans la marche de la nouvelle année pour remporter une plus grande victoire afin d'inviter tous les militaires et civils à s'unir et livrer vigoureusement l'offensive générale de tout le peuple en donnant la priorité à l'esprit de se renforcer par soi-même. Une autre affiche sous thème « Accélérons la progression victorieuse du socialisme par la grande force de l'esprit de se renforcer par soi-même » souligne que la puissance de l'esprit de se renforcer par soi-même est juste celle de la science et de la technique et qu'il faut les privilégier dans tous les secteurs et unités d'activité de l'économie nationale pour raccourcir l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale.